es venu me voir sans avoir l'air d'avoir rien à dire d'importance. Tu me souris, tes yeux sont durs et fiers. Pourtant je sais à quoi tu penses. Comme une barque emportée par les flots, sur les mots coulera ton âme. Tu les retiens, tu crois que c'est trop tôt. Pourtant je vois briller tes larmes. Si tu veux, je regarde ailleurs. Dans ce moment, on a si peur. Et puis voilà, ça y est, tu me l'as dit. Et les mots sont irréparables. Maintenant c'est bien réel, il est parti. Lui qu'on disait inséparable. Tu te saoules de comment, de pourquoi, pour supporter l'insupportable. Mais au fond tu le sais autant que moi. Les jeux sont posés sur la table. Je comprends un peu ça, je crois. Dans ces moments, on a si froid. D'autres soirs et d'autres lieux, tu changeras ta manière. Le sombre et long chemin de nos adieux sur nos peaux est marqué au fer. Vit-on toujours seul ici-bas? Avec le temps va, je ne sais pas. Allez viens. Allez viens. Allez viens. Faisons ensemble quelques pas.